Chapitre 8e, la visite au magasin. Certaines paroles de William Impatience, si Anna s'attachait à Herb Order, ce ne serait pas agréable à Musseline, avaient inquiété Patience. Ce n'était pourtant là qu'une manière de s'exprimer, car William regardait un mariage entre Herbert et Anna comme une impossibilité. Les Dare auraient considéré Anna comme au-dessous d'eux, et du côté d'Anna, la religion eût été une barrière infranchissable. Qu'auraient pensé William et Patience s'ils avaient su l'amour qu'Anna éprouvait déjà pour Herbert? Anna, si enfantine, si naïve, si simple en apparence, s'était attachée de toutes les forces de son âme à Herbert. Ses natures si calmes au premier aspect sont parfois les plus ardentes, les plus passionnées. Un soir, quelques mois auparavant, Anna se promenait derrière la maison dans le champ d'Atterley. Elle avait depuis son enfance l'habitude d'aller y jouer avec les petits moutons. Herbert avait traversé accidentellement ce sentier public, quoique peu fréquenté. Anna lui disait bonjour lorsqu'elle le rencontrait dans la rue ou chez Madame Ashley. Ce soir-là, il resta quelques instants à causer avec elle. À partir de ce jour, Anna et lui se rencontrèrent assez fréquemment. Si un remords de conscience traversait parfois Mademoiselle Anna, elle le chassait bien vite. Jamais il ne lui vint la pensée que le mal proviendrait de cette liaison. Et pour rendre justice à Herbert, il ne pensait pas mal. Il l'aimait presque autant qu'elle l'aimait. Herbert, au dire de Helstonleigh, ne possédait pas toutes les vertus cardinales, mais il n'était pas entièrement corrompu. Anna le croyait parfait, et son cœur s'était irrité des paroles de William. Elle ne savait qu'une chose, que le bruit de ses pas faisait battre son cœur et qu'il avait le talent de la fasciner. Toute sa crainte, c'était que leur intimité n'en vînt être découverte. Si son père ou Patience avait vent de la chose, une séparation serait inévitable, Anna le devinait bien. La petite rusée essayait de se persuader qu'une innocente rencontre en plein air était bien justifiable, du moment qu'une visite dans la maison n'était pas possible. Les lignes n'avaient aucun rapport avec les Dare. Par conséquent, Herbert ne pouvait alléguer aucun prétexte pour aller chez eux, aucun du moins qui fût en mesure de satisfaire Patience. La jeune fille se réconciliait de son mieux avec sa conscience, sortait le soir aussi souvent qu'elle le pouvait, et laissait les choses tourner à leur gré. La découverte de cette intrigue arriva par l'intermédiaire de William. Quoique ce fait fût alarmant, il l'était bien moins qu'on eût pu le craindre. Si c'eût été son père qui l'eût surprise, elle aurait couru se jeter dans l'état le plus voisin. Quoiqu'elle se fût rendue coupable de plusieurs détours, Anna avait bien l'intention de tenir la parole qu'elle avait donnée à William. Mais les promesses faites sous l'empire de la terreur ne se tiennent pas toujours, et une jeune fille qui oubliait son devoir ne devait pas être trop scrupuleuse. Depuis longtemps, la première pensée d'Anna en se réveillant était « Ce soir, je le reverrai », et cette espérance activait ses doigts, faisait battre son cœur. Mais le matin qui suivit la découverte, ce fut « Je ne dois plus jamais le revoir comme je l'ai fait. Comment dois-je m'y prendre pour l'avertir de ne pas venir ?» Elle savait qu'il serait dans le champ s'il n'était pas averti. Si William le voyait, une scène désagréable, une querelle pourrait en résulter. Anna se leva, agitée, de mauvaise humeur, et disposée à souhaiter William au fond de la mer. « Là où il y a une volonté, il y a un moyen », dit un proverbe. Anna Lynn en offrit la preuve ce jour-là. Elle réussit à se faire envoyer en ville par Patience et resta si longtemps dans le voisinage du bureau de M. Dare en regardant les boutiques. Aussi Patience avait pu la voir. Herbert passa. « Anna !»« Ah » dit-elle tout bas, d'un air timide, ses jolies joues rougissantes. « Herbert, j'ai attendu ici dans l'espoir de te voir. Tu ne dois plus venir ici le soir. Je ne pourrai plus aller te retrouver. »« Pourquoi donc ?» demanda Herbert. William Halliburton m'a vu avec toi hier soir. Il prétend que ce n'est pas bien. J'ai dû lui promettre de ne plus aller avec toi. Sans cela, il l'aurait dit à mon père. » Herbert lança à l'adresse de William une épithète fort peu flatteuse. « Est-ce que cela le regarde ? » s'écria-t-il. « Je n'ose pas rester ici avec toi, Herbert. Patience enverra grâce, savoir pourquoi je suis si longtemps dehors. Mais je devais bien te dire que tu ne reviennes pas. Adieu. » S'éloignant rapidement, Anna retourna chez elle. Herbert n'osa pas la suivre ouvertement. Elle s'en allait, la pauvre petite, la tête penchée, les yeux humides. C'était un chagrin bien amer que de quitter ainsi Herbert. Patience l'attendait à la porte de la maison. Elle n'avait pas fait grande attention à la recommandation de William. Sans cela, elle n'eût pas envoyé Anna toute seule à Helstonleigh. Le fait est qu'elle trouvait que William avait l'imagination trop prompte. Mais quand, au lieu de voir Anna rentrer à 4 heures, elle entendit sonner 5 heures, sans que la jeune fille fût de retour, Patience commença à penser qu'elle lui laissait en effet trop de liberté. « Où as-tu été ?» lui demanda-t-elle sèchement. « Oh, Patience, j'ai rencontré tant de personnes qui se sont arrêtées pour causer avec moi. » Et Anna, sans écouter les reproches de Patience, courut à sa chambre. Quand elle redescendit, son père était rentré et Patience servait le thé. « Veux-tu dire à ton père où tu as été ?» Cet ordre lui fut adressé par Patience de sa voix la plus aigre. Intérieurement tourmentée, Anna fondit en larmes. Quoique on la regarde avec surprise, Patience donna ses explications. Anna avait quitté la maison à 3 heures pour faire une commission. 3 quarts d'heure lui suffisaient largement, et elle venait seulement de rentrer. « Qu'est-ce qui t'a retenu, enfant ?» demanda le Quaker. « J'ai regardé un peu les magasins, père, » sanglota Anna. « Il y avait de si jolies gravures chez Thomas Wokham. Si Patience voulait que je courusse tout le temps, elle aurait bien pu me le dire. » Malgré la petite impertinence de sa dernière phrase, Samuel Lynn ne jugea pas nécessaire de gronder Anna. À peine au fond du cœur pouvait-il admettre qu'elle fût capable de mal faire. « Sèche tes larmes, enfant, et prends ton thé, » lui dit-il. « Patience avait peut-être besoin de toi pour le ménage. Elle attendra une autre occasion. »« Patience, » ajouta-t-il, comme pour effacer ses dernières paroles. « Mes chemises sont-elles en ordre ?»« Tes chemises en ordre, » répéta Patience. « Pourquoi me le demandes-tu ? » ?»« Je ne le demanderai pas sans raison. Veux-tu me donner une réponse ?» Tes vieilles chemises sont aussi en ordre que peuvent l'être des choses qui commencent à s'user. Je ne puis pas dire grand-chose des neuves. Elles ne seront pas finies cet été si Anna n'y travaille pas avec un peu plus de suite qu'elle ne le fait. Tes chemises sont finies avant que les vieilles soient tout à fait usées, père, dit Anna. C'est ce que je ne sais pas. Si elles avaient été prêtes, enfant, j'en aurais besoin maintenant. Je vais en voyage. Est-ce ce voyage en France dont tu as parlé une fois ou deux ces derniers temps ? Demanda Patience. Oui. Le patron m'en a causé cet après-midi. Nous avons été interrompus, je ne sais pas positivement quand il désire que je parte, mais je crois que ce sera immédiatement. « Oh, père, ne pourrais-tu pas m'emmener ?» s'écria Anna, les yeux brillants, les joues animées. Un voyage dans l'intérieur de la France avait pour elle autant d'attrait que pour Cyril. En revenant de sa commission, il s'était demandé comment il passerait ses journées privées de la charmante société de M. Herbert. Un voyage en France serait une compensation. « Je voudrais pouvoir t'emmener, enfant, mais tu pourrais tout aussi bien me demander de prendre avec toi les collines de Malvern. » Avant qu'Anna pût opposer aucune objection, l'attention de Samuel Lynn se porta sur la route. Il y voyait M. Ashley et William qui se séparaient en face de sa maison comme s'ils étaient revenus ensemble de la manufacture. Le patron continua son chemin. William, apercevant les yeux de Samuel Lynn fixés sur lui, entra. M. Ashley, quoique assez ferme dans ses déterminations, était revenu sur sa décision de ne pas envoyer William en France. Il avait résolu de lui faire accompagner Samuel Lynn. William ne pouvait s'empêcher de supposer que l'émotion qu'il avait témoignée le soir précédent avait une certaine part dans ce changement de résolution. « Cela vous dérangera-t-il de m'emmener ? » demanda-t-il à Samuel après lui avoir annoncé la nouvelle. « Si telle est la volonté du patron, je ne puis faire autrement que de t'emmener, » répliqua Samuel Lynn d'un ton qui témoignait plutôt sa satisfaction. « Pourquoi t'envoie-t-il ? Il m'a dit qu'il vaut mieux que vous me fassiez voir les marchés et que vous me présentiez aux marchands, puisqu'à l'avenir je ferai probablement le voyage seul. Je n'avais pas l'idée que vous eussiez jamais été vous-même en France, Monsieur Lynn. Vous ne m'en aviez jamais parlé. Il n'y avait rien que je sache qui nécessitât cette information, » dit le Quaker en reprenant son ton de sécheresse habituel. « J'y suis allé 2 ou 3 fois quand j'étais dans les affaires pour mon propre compte. Le patron t'a-t-il dit quand nous devions partir ? Pas positivement. » Au commencement de la semaine, je pense. J'ai demandé à mon père s'il ne pouvait pas me prendre, dit Anna d'un ton plaintif en regardant William. Et je lui ai répondu qu'elle pourrait tout aussi bien me demander d'emporter les collines de Malvern, répliqua Samuel. Je pourrais aussi bien faire l'un que l'autre. Samuel Lynn l'aurait emmené à tout prix, s'il avait pu prévoir le résultat de son départ et le chagrin qui allait tomber sur eux. Veux-tu prendre une tasse de thé avec nous ce soir, William ? Demanda Patience. William hésita. Mais voyant qu'ils paraissaient tous le désirer, il accepta. La conversation tourna sur la France, sur l'expérience de Samuel Lynn et les espérances de William. Anna était retombée dans le silence et la distraction. Au moment où Samuel Lynn se disposait à retourner à la manufacture et William à ses livres, il réussit à dire tout bas à Anna. « Avez-vous pensé à votre promesse ?»« Oui, » répondit-il en rencontrant franchement son regard. Je l'ai vu cet après-midi dans la rue, je suis allé tout exprès lui parler, il ne reviendra plus. C'est bien. Prenez garde à vous, Anna, ajouta-t-il en souriant. Je serai loin et je ne pourrai pas avoir l'œil sur vous, comme j'avoue que j'en avais eu l'intention. Anna secoua la tête. Il ne reviendra plus, répéta-t-elle. Tu peux partir et avoir confiance en moi, William. Et William partit pour la France, fermement persuadé que ses dangereuses intimités avaient pris fin.